Je suis sur le point d'être dépassé. Je dois serrer immédiatement sur ma droite, sans modifier mon allure. En effet, accélérer est interdit, car cela prolonge dangereusement la durée du dépassement. De même, ralentir brusquement risque de surprendre le conducteur du véhicule qui me dépasse et le faire hésiter dans sa manœuvre. Réponse C.